Christine Villemain débarquant de Petitmont, le village meurthe-et-mosellan de sa grand-mère où elle se terre depuis la mort de Laroche, était entendue comme témoin par le juge Lambert, dans le strict cadre de l'enquête sur la mort de Bernard Laroche. Le grand jeu pour le SRPJ de Nancy consiste à faire entrer Christine au tribunal, loin des regards et des flashs importuns. En face, chez les journalistes, l'astuce est de se placer devant la bonne entrée. Plusieurs répétitions ayant déjà eu lieu, chacun opère sur du velours, sauf la principale intéressée. Christine Villemain est repartie au bout de 3 heures, laissant le juge seul pour démêler les chevaux de son instruction. Un bonnet rayé, une piqûre d'insuline sans insuline, un voisin avec son chien, un chèque signé Christine Villemain, une voisine dans le coffre de la voiture de son beau-frère, 2 anciens flics qui se prennent pour Rouletabille, un vrai commissaire qui joue avec la presse, un juge transpirant derrière une vitre qui chauffe sous le soleil, un procureur qui fait le mort. L'affaire Grégory ressemble maintenant à un foutoir à la Prévert. Chacun y retire et y met ce qu'il peut ou ce qu'il veut et construit son petit scénario maison avec plus ou moins de bonheur. Jurant à qui veut l'entendre de son innocence, Christine Villemain porte à chaque coup donné une réponse désarmante. La lettre, c'était la veille. Les chèques, je les signe tous. C'est monstrueux de penser que c'est moi. L'air d'Épinal est de plus en plus vicié. Christine Villemain est une jeune femme qui grandit dans le milieu ouvrier. Thibaut Solano, journaliste, auteur de La Voix Rauque. Elle rencontre Jean-Marie Villemain en marge de grèves qui ont lieu à l'époque. Et ils vont tomber très très amoureux tous les deux. Avant de rencontrer Jean-Marie Villemain, elle avait un peu deux faces opposées de ce qu'est l'amour. C'est-à-dire qu'elle avait à la fois ses grands-parents qui étaient toujours très amoureux l'un de l'autre à la fin de leur vie. Et elle avait d'un autre côté sa sœur qui avait été victime de violences conjugales. Donc au début, elle a pu être un peu méfiante, un peu sur la réserve. Mais finalement, ils se sont attachés à l'un à l'autre de plus en plus au fil du temps. Et puis Jean-Marie Villemain est parti à l'armée. Et quand il est revenu de l'armée, ils se sont installés ensemble assez rapidement. Et ensuite, leur vie a été ainsi, c'est-à-dire se construire un nid douillet, c'était très important pour eux, de plus en plus loin finalement du lieu où vivaient les autres membres de la famille, et voilà, et faire des enfants, sachant que Christine Villemain travaillait dans une usine de textile qui s'appelait Au Blanc, et leur existence est faite comme ça, cultiver son propre bonheur chez soi. Battue Caroline de Monaco, écrasée la grande Stéphanie, la star incontestée des couvertures de magazines s'appelle aujourd'hui Christine Villemain. Une nouvelle, lancée hier par RTL puis par l'AP, l'Associated Press, a cristallisé l'opinion. Une cordelette, identique à celle ayant servi à lier les poignets de Grégory, aurait été découverte dans la maison des Villemain. Le journaliste a bien dit « identique ». On monte d'un cran dans la guerre des nerfs qui se joue entre la PJ de Nancy, certains journalistes et la mère de l'enfant. Le juge Lambert et le parquet spinalien assistent au débat, sans jamais confirmer ou infirmer les informations qui tombent. Toujours dirigé contre la mère, comme si à ce stade de l'affaire, justice et police n'avaient plus que le secret espoir de la faire craquer par médias interposés. Christine Villemain était entrée dans les chaumières par la petite porte, un soir d'octobre. Les Français découvraient son visage triste et son cri de mère blessée à mort. Une ouvrière de L'Épanche-sur-Vologne. Vêtue d'une cape noire, le nez dans un mouchoir, les yeux rougis, 24 ans. Les journalistes présents s'étaient habitués à ces silences. Jean-Marie, son homme, parlait pour elle et accusait à tour de bras ses frères, demi-frères, oncles, cousins. Après l'effroi suscité par la mort de Grégory, on se mettait à gamberger. Puis, tranquillement, l'horrible image de l'enfant, si petit, les mains liées, l'anorak, les chaussures neuves, le bonnet sur les yeux, s'est dissipée. Les premières photos ont jauni. Il a fallu trouver d'autres biais. Devant une pareille saga, les lecteurs mordaient à l'hameçon. Il y avait foule au bord de la Vologne. 50, 60, 100 reporters envoyés très spécialement et décidés à faire de l'affaire leur affaire. Quant aux habitants de L'Épanche-sur-Vologne, le village des Villemain, comme l'a constaté aujourd'hui Émilie Raffoul, ils semblent surtout maintenant vouloir oublier cette affaire. Des portes et des fenêtres fermées, des rues quasiment désertes, des gens qui se détournent au passage des journalistes, L'Épanche-sur-Vologne ressemble aujourd'hui à n'importe quel autre village au sortir d'un fait divers et surtout après des semaines de projecteurs et de harcèlement des médias. L'affaire, on ne veut plus en parler, on est comme courbattu, traumatisé et bien sûr excédé. Après, s'ils nous emmerdent, comme on peut dire. Voilà. C'est tout ce qu'on peut dire. Pourquoi pas, parce qu'on est questionné tous les jours. Tous les jours, on a Paris Match, on a Soir, la Liberté d'Est, l'Est républicaine, tout ça, on commence à avoir ras-le-bol. On nous a dit, que les Vosgiens étaient des tarés, qu'on était dans une vallée d'Avalon, qu'on était tous des... Alors, il commence à avoir ras-le-bol. Hein. Côté média, l'affaire Grégory est devenue un filon formidable, un super bingo, avec un investissement de base minimum. Et Maître Garot, l'avocat de Christine Villemain, a eu beau jeu de lâcher dimanche à l'AFP que l'information manipulée par la police a remplacé la justice. Mais rien ne semble pouvoir arrêter la locomotive à fantasmes. Aux yeux de l'opinion, Christine Villemain est devenue coupable au fil des jours. La découverte de la cordelette n'est qu'une péripétie de plus. Elle ne prouve rien, d'autant que ce genre de cordelette est très répandu dans la région. Pourtant, le fait est là, écrit sur le papier. On a découvert une cordelette identique à celle ayant servi à lier les poignets de Grégory à l'extérieur du chalet de Jean-Marie Villemain. Elle servait à retenir une gouttière. Christine ne va pas apprendre la nouvelle par le juge ou les policiers. Les journalistes sont déjà empressés de lui annoncer. En cherchant à déceler dans son regard ou dans sa voix le détail accusateur qui résoudrait l'énigme. Rien qu'un tremblement, mais rien. Christine Villemain reste stoïque. Aujourd'hui, elle semble inébranlable, presque dure. Chaque jour, à la une de l'actualité, sa silhouette noire, traquée par la presse, sans répit, aucun. À 25 ans, Christine Villemain est si différente de ce qu'elle était il y a à peine 8 mois. Une mère qui criait sa douleur à l'enterrement du petit Grégory. Thibaut Solano. Christine Villemain traverse un drame épouvantable qui est de perdre son enfant assassiné et ensuite d'être accusée d'avoir tué son propre enfant. Donc, qu'est-ce qu'on peut vivre de pire que ça? Malgré cela, ça va rester une femme très forte avec sa personnalité. Et on peut penser que, à la fois, si elle s'en est sortie face à toutes ces épreuves, c'est d'abord parce qu'elle était solide, mais ensuite parce que l'amour qu'elle a avec Jean-Marie Villemain a été totalement invincible et leur a donné à tous les deux une force surhumaine pour tout traverser, tout affronter et malgré toutes les épreuves, rester unis et se soutenir et s'aimer encore aujourd'hui. Christine Villemain, la mère du petit Grégory, vient d'entamer une grève de la faim à la prison de Metz où elle a été écrouée hier après-midi après son inculpation pour assassinat. Commentaire de son avocat tout à l'heure, je lui ai dit qu'à mon avis ce n'était pas la meilleure solution, mais je la comprends. Chez nos confrères d'Europe 1, au micro de Jean-Pierre Elkabbach. Je sais ce que j'ai fait, j'ai pas fait de mal, je vois pas pourquoi j'irai en prison. Si je suis restée un mois ou deux en prison, je crois que je ressortirai mais les pieds devant, parce que je crois pas que je vais me laisser nourrir, blanchir sans rien faire. Je ferai la grève de la faim, je veux pas me laisser accuser de ce que je n'ai pas fait. Metz, 8 juillet 1985. Le feuilleton continue, est-on tenté d'écrire. À chaque rebondissement, une secousse sismique traverse l'hexagone. Cette fois-ci, l'intensité dramatique est brusquement remontée d'un cran. L'assassinat de Monzé avait fouetté l'opinion, sèchement, violemment. La torture que s'inflige aujourd'hui Christine Villemain et qu'elle inflige aux autres, ce chantage à la mort, la sienne et celle de l'enfant qu'elle porte, jouent davantage sur la lenteur et la pression psychologique. Les jours de jeûne de la mère et de son enfant vont maintenant s'égrener. Auront-ils une influence sur l'apparente certitude affichée par le juge Lambert ? Sa décision d'inculper d'assassinat et d'écrouer Christine Villemain, qui a cessé de s'alimenter depuis 60 heures, peut-elle évoluer ? Christine Villemain boit un peu d'eau sur les conseils de son avocat. À cause de l'enfant, mais aussi parce qu'elle souffre d'une phlébite, a précisé Maître Garraud. Elle est allongée dans une cellule de la très moderne et très aseptisée maison d'arrêt du plateau de Mesqueleux. Dans sa cellule, une autre femme, codétenue, lui tient compagnie et a sans doute mission de la surveiller. Un médecin et un gynécologue sont auprès d'elle. Le juge savait qu'il prenait un gros risque en écrouant celle qu'il suspectait. Il a pris cette lourde décision contre l'avis du parquet qui s'y est opposé. L'inculpé, d'accord, mais ne pas l'écrouer. Telle semble être la position du ministère public. Maître Garraud, dès l'annonce vendredi à 18h de la décision du juge Lambert, a indiqué son intention de déposer une demande de mise en liberté. Il doit le faire aujourd'hui. Jean-Michel Lambert aura 5 jours pour y répondre. Dans l'hypothèse où celui-ci s'y refuse, ce sera alors à la cour d'appel de Nancy de trancher. Et les magistrats nancéiens auront 30 jours pour le faire. Dans un sens, comme dans l'autre, ils ne pourront pas juger d'une éventuelle remise en liberté en faisant abstraction du chantage de la mère et de sa santé. Un jugement sous pression pour les magistrats. Christine Villemain, femme déterminée, ne devrait pas craquer. Elle a suffisamment dit qu'elle irait jusqu'au bout pour qu'on prenne ses menaces en considération. Toujours soutenue par son avocat, elle refuse maintenant de parler ou de collaborer et s'enferme dans cet ultime et très macabre bras de fer avec l'autorité judiciaire. La libération de Christine Villemain, sa mort, le suicide de Jean-Marie Villemain, il va fatalement se passer quelque chose. Demain, malgré les vacances estivales, l'affaire continuera à nous empoisonner. Journée décisive demain pour Christine Villemain, inculpée de l'assassinat de son fils et emprisonnée à Metz. La chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy examinera la demande de mise en liberté provisoire déposée par la mère de Grégory et rejetée par le juge Lambert. Les magistrats de Nancy se pencheront avec beaucoup d'attention sur l'emploi du temps de Christine Villemain à l'heure du meurtre, le 16 octobre 84. Tout s'est peut-être joué en moins de 20 minutes, c'est ce que pense le juge Lambert. Mais l'avocat de Christine Villemain rejette ce soupçon. Impossible, dit-il, de croire que la mère de Grégory a pu faire disparaître son enfant en un laps de temps aussi court. Ces 20 minutes sont donc déterminantes. Marcel Tria et Thierry Meny ont tenté de les reconstituer. Christine Villemain quitte son travail au centre de l'Épange. Il est 16h56, le 16 octobre 1984. Dans quelques minutes, son fils Grégory va mourir. Elle prétend être allée directement prendre son fils chez la nourrice avant de remonter chez elle. Les derniers à l'avoir vu, M. Collin et Mme Grandidier. Ils bavardent ici, en haut du village. Une voiture passe. Là, Christine, qui remonte, hein. Dans sa voiture. Dans sa voiture. Elle m'a fait bonjour et puis elle m'a fait partie. Mme Villemain remonte, mais là, je ne peux pas dire si son petit garçon était avec elle. C'est tout. Quand je suis rentrée à ma cuisine, il était 5 heures. 50 mètres plus haut, un croisement. Pour Christine Villemain, aucun doute, elle a pris à droite vers chez elle. Peu après 17 heures, elle s'enferme pour repasser. L'enfant joue dans la cour, la voiture est dans le garage sans porte, à droite de la maison. Pourtant, quelques minutes plus tard, M. Collin longe la villa sans remarquer ni l'enfant, ni la voiture. Alors Christine Villemain a-t-elle menti ? En haut du village, a-t-elle tourné à gauche vers Docel où Grégory est mort ? Nous avons chronométré à plusieurs reprises le trajet L'Épange-Docel sur cette route étroite et tortueuse où personne ne l'a aperçue ce jour-là. Une route souvent encombrée par les tracteurs et les troupeaux. Au bout de la route, le village de Docel, que Christine aurait traversé presque de part en part à l'heure de sortie d'une usine de 250 ouvriers. Près de l'église, elle aurait ligoté l'enfant, puis l'aurait jeté dans la Vologne, derrière le bâtiment des sapeurs-pompiers. Il faisait beau ce jour-là, les habitants de Docel profitaient des derniers rayons de soleil d'octobre. Personne n'a vu l'horrible scène en plein jour, en plein village. Quand je suis allé sur place, je suis allé voir ce que les enquêteurs appellent le lieu privilégié. Thibaut Solano. C'est-à-dire l'endroit où tout porte à croire que le petit Grégory a été mis à l'eau par son ravisseur ou par son assassin. Et quand on va sur place, on se rend compte qu'effectivement c'est un endroit très exposé, au cœur de cette bourgade. Ça rend le crime encore plus dingue, c'est-à-dire pourquoi aller à cet endroit si risqué pour se débarrasser du corps d'un enfant. Là, j'ai absolument aucune réponse à ça. Ça me paraît totalement dingue. Est-ce que c'était précipité? Ou est-ce que finalement, il y a eu un moment où le ravisseur de Grégory ne l'a pas jeté à l'eau, mais l'a confié à quelqu'un d'autre, et que ce quelqu'un d'autre l'a mis à l'eau plus tard, à la nuit tombée, ou même si on est au centre de la bourgade, peut-être que il y avait moins de monde. Compte tenu du temps nécessaire pour ligoter l'enfant, 3 minutes d'après les enquêteurs, il aurait fallu en tout plus de 19 minutes à Christine Villemain pour faire l'aller-retour à un train d'enfer, sans hésitation ni incident de parcours, et tout cela avec une petite voiture en très mauvais état. Elle a été vue pour la dernière fois, on s'en souvient, près de cet embranchement, environ 2 minutes avant 17h. 19 minutes plus tard, le temps minimum du trajet, à 17h17, Madame Claudon et son mari viennent chercher leur troupeau juste au-dessous de la maison des Villemain. Tandis que Monsieur Claudon barre la route avec sa voiture, Madame Claudon monte placer une barrière devant chez les Villemain, où elle ne voit personne. Puis elle redescend faire sortir les vaches de son pré et les pousser vers la route. Vers 17h20, elle passe pour la seconde fois devant la maison des Villemain. Et puis j'ai reparti avec mon troupeau, alors elle m'a demandé si j'avais vu Grégory, j'ai dit non. Il était 20, moi à peu près, parce que j'étais chez nous, j'ai dit à mon mari, il est 5h encore, vous n'avez pas été chercher les vaches. Parce que j'étais en retard, d'habitude je viens toujours à 5h. Christine Villemain ne pouvait pas prévoir le retard de Madame Claudon. Au retour de Docelles, elle risquait de se trouver nez à nez avec elle, et elle le savait. Dans l'hypothèse où elle est coupable et seule coupable, elle a bénéficié pour parcourir le trajet dans les temps et commettre son crime sans être vue d'une chance diabolique. Elle a fait preuve d'une détermination et d'un sang-froid digne d'une criminelle d'exception. Une thèse qui aurait bien besoin de preuves décisives ou d'aveux pour devenir irréfutable et pour dissiper vraiment le mystère de la mort du petit Grégory. Nancy, cour d'appel, le 16 juillet 1985. C'est aujourd'hui mardi à 16h que le suspense prendra fin. Il ne s'agit pas de la fin de l'affaire, bien sûr, mais de la fin du suspense concernant la demande de mise en liberté déposée par les avocats de Christine Villemain. Jugeant le dossier du juge Lambert trop léger, ils peuvent décider de remettre purement et simplement en liberté Christine Villemain. Ce serait un camouflet pour le juge d'instruction d'Épinal et la police. Christine Villemain, toujours inculpée d'assassinat, se présenterait libre à un éventuel procès d'assises. Les magistrats nancéiens peuvent également juger les éléments réunis par le juge Lambert suffisants pour maintenir Christine Villemain en détention. Cela accréditerait la thèse de l'assassinat commis par la mère. Christine Villemain l'a promis, si on ne la remet pas en liberté, elle recommence sa grève de la faim. Troisième hypothèse. Une libération assortie d'un placement étroit sous contrôle judiciaire. Compte tenu de son état de grossesse, Christine Villemain sera alors sujette à une mesure exceptionnelle. La chambre d'accusation permettrait ainsi au juge Lambert et aux policiers d'affiner leur dossier et de gagner un peu de temps. Libre, après 11 jours de détention et 5 jours de grève de la faim. Cette femme enceinte de 6 mois qui a fêté en prison son 25e anniversaire a donc tenu tête au juge Lambert qui fait peser sur elle depuis le 5 juillet la plus terrible des accusations, l'assassinat de son enfant. C'est à 16h05 cet après-midi que la décision de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy était rendue publique par Maître Garraud. Christine Villemain est libre. L'injuste incarcération a cessé. Les défenseurs ont été entendus. Après une étude approfondie du dossier, les trois hauts magistrats de la cour d'appel de Nancy ont sanctionné la décision du juge d'instruction. Une mesure qui permet au juge Lambert de poursuivre son instruction, mais qui ressemble fort à un rappel à l'ordre à son égard. le juge Lambert est très jeune, il a un peu plus de 30 ans, au moment où l'affaire lui tombe dessus. Thibaut Solano. Et voilà quelqu'un qui manque sans doute un peu d'expérience par rapport au crime et par rapport à ce déchaînement médiatique. Et il va empiler plusieurs erreurs, finalement. Des actes de procédure qui ne sont pas faits dans les règles de l'art et qui vont être annulés. Donc il y a ce volet judiciaire qui est raté, ce volet procédural qui est raté. Et ensuite, lui aussi, il va se laisser un peu griser par la présence des journalistes. Et il va dire un peu trop de choses. Aujourd'hui, en 2018, quand on est journaliste dans un service police-justice, on sait très bien que les juges d'instruction, c'est à peu près les derniers à nous donner de l'info. Et voilà que lui, il va tout dévoiler, tout déballer, et en plus en étant filmé. À sa décharge, un seul juge d'instruction pour mener une telle affaire, aujourd'hui ce ne serait plus le cas, mais c'était le cas à l'époque. Et ce qui par contre m'a un peu frappé, c'est que à aucun moment il va reconnaître s'être trompé, à aucun moment dans sa vie, il ne va faire d'autocritique. Nancy, le 17 juillet 1985. Le sas d'entrée de la prison de Mesqueleux était en ébullition. Georges et Michel, les deux jeunes matons, n'avaient jamais vu autant de monde, autant d'effervescence. Les caméras et les appareils se pressaient contre les vitres. Les lumières rouges s'allumaient, les téléphones sonnaient. Parfois, un détenu hagard portant un sac plastique ou une petite valise, fraîchement libéré par la grâce estivale et présidentielle de François Mitterrand, venait interrompre le flot incessant d'hommes en képi qui faisaient des allers-retours entre l'air libre et l'air de la prison. Ces détenus-là n'intéressaient personne. La foule de badauds, de gendarmes ou de journalistes n'était là que pour la star des magazines et des fantasmagories macabres. Christine Villemain allait être libérée. Il était 18h30. À 18h45 précise, elle est sortie dans la voiture blanche de son avocat. Elle occupait la place du mort, comme on dit. Elle était pâle. Son front était légèrement dégagé. Son visage avait maigri depuis notre dernière rencontre, voici 3 semaines. Christine Villemain n'a fait aucune déclaration, n'a exprimé aucun contentement, n'a pas posé pour la photo. On l'a ramenée à Petit-Mont, où elle pourra retrouver son frère, sa belle-sœur, peut-être sa grand-mère. Aujourd'hui ou demain, elle ira à la prison Charles III de Nancy voir Jean-Marie pour le remercier des 15 roses rouges offertes pour son anniversaire et pour l'embrasser. Loin de diminuer d'intensité, les passions restent exacerbées. En plaçant en détention Christine Villemain, le juge Lambert a voulu créer un choc psychologique. Peut-être espérait-il des aveux ? Il s'est trompé. Christine Villemain ne sort pas innocentée de l'épreuve judiciaire, mais renforcée dans son statut de martyr. Sur la place Stanislas, à quelques mètres de la cour d'appel de Nancy, ou sur le gazon devant la prison de Mesqueleux, les réactions des badauds étaient unanimes. Pauvre femme. 12 jours plus tôt, ces mêmes badauds juraient « Je suis sûr que c'est elle, je te l'ai toujours dit ». Pourtant, en 12 jours, une autre idée fixe a gagné des voix. On ne saura jamais la vérité. Petit-Mont, le 25 juillet 1985. Les psychiatres sont des types formidables. On leur présente Christine Villemain. Ils la voient quelques heures derrière les murs de la prison de Metz ou quelques minutes dans la maison familiale de Petit-Mont. Ils discutent le coup ensemble, s'interrogent sur sa sexualité, sa relation à l'enfant, sa relation au mari, et en 2 temps, 3 mouvements, pondent un premier rapport qui explique et justifie tout. Ne cherchez plus. Si Christine Villemain a tué, c'est parce qu'elle est folle, tout simplement. Pas une grosse folie évidente, non. Une petite, à la limite de la norme. Et difficile à déceler. Christine Villemain n'est pas aussi schizophrène que Norman Bates, le personnage meurtrier du Psychose d'Hitchcock, mais elle s'en approche dangereusement. La jeune femme serait sans instinct maternel et aurait une potentialité vers un état mental confus. Cet état pourrait même susciter des troubles névrotiques relevant d'une hystérie à caractère pervers. Au-delà des entretiens qu'ils ont eus avec elle, les psychiatres étayeraient en partie leur diagnostic sur des bribes d'interviews récoltées çà et là dans les colonnes du Parisien, de France Soir, de Elle ou de Paris Match. Dans l'hypothèse de sa culpabilité, ce ne serait plus par jalousie envers Grégory ni par haine de son mari ou de sa belle-famille que Christine Villemain aurait tué, mais parce qu'elle serait hystérique et perverse. Selon ses experts, la maladie mentale, qui n'en est pas vraiment une, dont souffre Christine Villemain, serait telle qu'elle lui permettrait de tuer, puis d'oublier qu'elle a tué, et de se croire sincèrement innocente. Selon les experts psychiatres, Christine Villemain serait en plus très influençable et vivrait dans un univers mythique et échappatoire qui pourrait ressembler à celui des livres de la collection Harlequin. Sa sexualité serait trouble. L'argument d'une hypothétique frigidité est même imprudemment avancé. Enfin, le passage à l'acte, l'infanticide de Grégory, pourrait s'expliquer par une tendance au sadomasochisme. Mais que chacun se rassure, tous les experts, même le contre-expert présenté par Maître Garraud, l'avocat de Christine Villemain, sont d'accord sur deux points. Christine Villemain est supérieurement intelligente et incroyablement calculatrice. Et si elle est folle, elle ne l'est pas suffisamment pour entrer dans le cadre de l'article 64 du Code pénal. Selon les psys, Christine Villemain serait donc bonne pour les assises. Bonne pour les assises. Mais quand je relis ça aujourd'hui, je me dis que j'ai dérapé, quoi. C'est-à-dire que les rapports d'expertise ne disent pas ça. Ça, c'est ce qui a été rapporté. Et ce sont les avocats de La Roche et les avocats de Muriel Boll, et puis les policiers, et puis certains journalistes qui vont découper des phrases des rapports psychiatriques pour les balancer comme ça dans la presse. Parce qu'en fait, il y a eu énormément de psychiatres qui se sont penchés sur son cas. Il y en a eu 11 à ma connaissance. Sauf un expert qui met en cause ça, un petit peu Christine Villemain, mais aucun d'eux ne trouve de pathologie et tous ont dit que en fait elle était très normale, quoi. Mais le plus important de tout ça, c'est que le 3 février 1993, Christine Villemain va obtenir un non-lieu total et définitif pour absence totale de charge. C'est-à-dire que les magistrats, et en particulier Maurice Simon, le président de la cour d'appel de Dijon, va reprendre les 25 éléments soi-disant à charge contre Christine Villemain, et tous vont s'effondrer les uns après les autres, à commencer par les rapports psychiatriques, quoi. Et il termine en disant « Toutes les investigations menées en direction de Christine Villemain étant demeurées infructueuses et tendant au contraire à rendre à la fois invraisemblable et impossible sa participation à l'assassinat litigieux, la Cour doit examiner maintenant les charges pesant sur des tiers. » Et ce qui est terrible aujourd'hui, c'est de voir que ces mêmes avocats, puisque certains sont toujours depuis 34 ans ces mêmes avocats, en fait, font tout pour retarder le procès, pour retarder ce moment de vérité, en utilisant des méthodes procédurales. C'est le droit français qui permet ça. Mais on voit bien que ce sont uniquement des procédures dilatoires pour empêcher la vérité d'apparaître, quoi. Et ça a été, toutes ces années-là, ça a été ça. Comment on fabrique un personnage maléfique, comment on invente une fiction qui petit à petit rentre dans le réel. Et le point culminant de tout ça, ça va sans doute être Marguerite Duras, quoi. Quand Duras arrive et qu'elle invente Christine V, c'est aujourd'hui, on peut se dire que c'est terrible et que c'est vraiment pathétique, quoi. Ceux qui disent que je suis folle, ce sont eux qui sont tarés, a-t-elle lancé. Avant de s'en prendre à Marguerite Duras et à son article. C'est pas possible d'écrire des trucs pareils. Elle est dérangée, celle-là. En juillet 85, dans un article retentissant paru dans Libération, Marguerite Duras rencontre et raconte le crime, la maison, l'épange et la mère, sublime, forcément sublime, Christine V. Près de 8 ans plus tard, dans sa retraite à Trouville, elle a accepté de commenter pour nous, à sa manière, avec ses mots et ses silences, l'affaire Villemain. Un crime d'ordre exceptionnel, rarissime. Il avait 4 ans, l'enfant. Il était débordé par l'enfant. Il était devenu gigantesque, terrible. Même maintenant, vous voyez, j'en suis émue encore. Parce que c'est quand même une responsabilité énorme d'écueillir. Là-dessus. Chaque phrase que je disais sur la probable culpabilité, la peut-être culpabilité de Christine Villemain aurait dû commencer par si nous sommes dans le cas d'avoir affaire à une criminelle. Je crois que la criminelle aurait fait cela et cela avant de tuer. Mais la licence de l'artiste que vous êtes, c'est évidemment de ne pas prendre ces précautions-là. Voilà. Et alors là, j'ai été traité dans la boue, et tout le monde entier a lu l'article parce qu'il était de Duras. Voilà. Mais pour vous, c'est une affaire qui est close ? Elle est terminée, je ne sais pas si elle est close. C'est beau le français de temps en temps. Elle est terminée. Épinal, le 27 septembre 1985. Christine Villemain vit toujours chez sa grand-mère à Petitmont, protégée par une armée de gendarmes. Deux fois par semaine, elle rend visite à son mari, paraît-il amaigri et déprimé. Elle se rend également à l'Épange, sur la toute nouvelle tombe de son fils. Christine va bien, elle sort très peu et soigne sa grossesse. Les paparazzi ont quitté les abords de sa maison. Dans la solitude de sa prison d'Ancienne, Jean-Marie Villemain ne trouve comme ultime remède au mal qui le ronge que le travail du bois. Il réalise des gravures à l'effigie de son fils. Ses collègues prisonniers ont, eux, inventé un jeu terrible, baptisé Bingo Grégory. Les paris portent sur les prochains rebondissements de l'affaire. Mais aucun nom n'a été prononcé. Le juge va laisser le temps aux deux mamans d'Épinal, Christine Villemain et Marie-Ange Laroche, d'accoucher. Il y aura donc la naissance de deux bébés, presque un an, jour pour jour, depuis la mort de Grégory. Épinal, le 4 octobre 1985. Paris Match a mis le paquet pour s'offrir l'exclusivité des photos de la naissance de Julien Villemain. On parle très sérieusement de la somme rondelette de 650 000 francs, soit 99 100 euros. Maître Henri-René Garraud, avocat des Villemain, a bien joué le coup. Début juillet, suite à une série d'articles accusant directement la mère de Grégory d'avoir tué son enfant, il déposait plainte en diffamation contre l'hebdomadaire de Daniel Filipacchi et réclamait 1 million de francs de dommages et intérêts pour ses clients. L'affaire, après avoir été reportée une première fois, devait passer à la 17e chambre correctionnelle la semaine dernière. Or, in extremis, les avocats des deux parties ont annoncé qu'une transaction avait eu lieu et que la plainte avait été retirée. Cette manœuvre, que les avocats ont pudiquement baptisée « transaction », fait des heureux dans les deux camps. Match évite un procès et assure une manchette. Un de ses journalistes se rince au passage. Maître Garraud rembourse ses frais et se paye. Au box-office de ces images, Julien Villemain a largement battu le record établi par Feu Bernard Laroche, dont la libération et le cadavre avaient été rachetés 300 000 francs, soit 45 735 euros par Sigma. Combien pour la future naissance du petit Laroche ? Combien pour la libération de Jean-Marie Villemain ? Tout s'achète au fond, même au fond du trou. Le 16 octobre 1984, le petit Grégory Villemain, 4 ans, était retrouvé noyé dans les eaux de la Vologne, dans les Vosges. 12 mois après, le deuxième fils du couple Villemain, Julien, a une dizaine de jours d'existence. Sa mère a dit récemment « c'est le portrait craché de son grand frère ». 12 mois après, rien n'est réglé. Malgré des mois d'enquête, d'expertise, de confrontation, de rebondissement, le juge Lambert ne tient toujours pas le ou les coupables. Moscou, le 16 octobre 1985. C'était sur la place Rouge cet été, pour le rassemblement international patronné par Gorbatchev. Un jeune russe s'est approché d'un délégué. « Vous êtes français ?» À la réponse positive, son visage s'est illuminé. Allait-il nous questionner sur la santé de Georges Marchais ou sur les Santiago du chanteur Renaud ? Avant toute autre politesse, Le jeune Russe a balancé, fébrile, cette question qui lui brûlait les lèvres depuis un moment. « Est-ce que vous avez enfin découvert l'horrible assassin du petit Grégory ?» L'affaire de l'épange a fait le tour du monde. Jusque dans les isbas du village planétaire, on a entendu croasser ce corbeau vosgien que la France a découvert il y a tout juste un an. Le mardi 16 octobre 1984, un corbeau anonyme revendiquait le meurtre d'un enfant qu'on venait de repêcher, les mains liées, dans les eaux noires de la Vologne. « 16 octobre 1984, 16 octobre 1985, Denis Robert. En une année, tout était dit. On aurait pu en rester là ?» Je crois qu'effectivement, tout s'est passé sur cette année-là. C'est-à-dire qu'après, jusqu'à aujourd'hui, il y a eu des soubresauts, il y a eu des mises en examen, l'enquête a perduré. Mais l'essentiel de l'affaire, c'est joué sur cette année. Et c'est une année où j'ai pratiquement passé une année, avec des retours à la maison, etc. Mais j'ai passé une année, on va dire, entre l'Épange, Bruyère, Épinal, au Monzé, quoi. Je suis arrivé le lendemain du crime à l'Épange. C'est comme si j'avais mis un pied dehors. Et puis après, j'ai glissé. J'ai glissé comme dans une sorte de toboggan de la mort de Grégory à l'élibération de sa mère. C'était pas un toboggan, c'était un shaker, quoi. On est ballotté entre des magistrats qui sont largués, des reporters qui sont survoltés. Et puis surtout, il y a ce corbeau qui est shooté à une drogue inconnue, un concentré inédit de haine, de perversité, d'intelligence. Et c'était dur de sortir de ce labyrinthe, quoi. Vous y avez laissé des plumes ? J'en suis pas sorti indemne. Ça m'a changé d'avoir couvert cette histoire. Même si, contrairement à d'autres, j'en suis sorti. Parce que je vais pas non plus me dédouaner par rapport aux autres journalistes. J'ai écrit avec parfois de l'avidité sur cette histoire. Et j'ai le sentiment qu'on était tous des rats, quoi. Et il y avait aussi derrière tout ça, tous ces journaux, tous ces patrons de presse qui voulaient faire du fric avec le fait divers, quoi, et qui en avaient pas grand-chose à faire, finalement, de la douleur qu'il y avait sur place, surtout de la douleur des parents, quoi. Et il y avait une sorte de d'acharnement collectif, quoi, comme si toute la société était devenue démente, comme si c'était devenu un grand corps malade qui cherchait sans arrêt à aller au pire, quoi. Il fallait toujours trouver le scénario le pire, quoi. C'est cette folie qui a amené à accuser la mère, quoi, et qui nous a fait rentrer dans un délire collectif, quoi. Et d'ailleurs, j'ai mis en exergue du livre une citation d'un de mes amis qui est pas comme Thielman. Il dit: c'est comme si l'affaire Grégory était un sceau qui ouvrait l'apocalypse de notre temps. Nous sommes les frères du petit Grégory, nous sommes morts depuis 1984 et depuis nous errons dans les limbes. « 16 décembre 1993. Il est 19h. Le journal Patrice Bertin. Au sommaire ce soir, 5 ans de prison, dont un avec sursis pour Jean-Marie Villemain. Les jurés de Dijon ont voulu comprendre, sans l'excuser, le meurtre de La Roche. Verdict qui laisse la porte ouverte à une libération conditionnelle dans quelques jours. Maître Garraud, au micro de Mathieu Aron. C'est une décision, à mon sens, d'apaisement. C'est vrai, nous avions demandé l'acquittement. Cet acquittement n'est pas venu, mais les jurés ont su trouver une solution médiane, tendant infiniment plus vers ce que proposait la défense que vers ce que demandait l'accusation. Allez-vous faire un pourvoi en cassation ? Même pas en rêve, même pas en rêve. C'est fini. 9 ans de calvaire, ça suffit. En prononçant leur verdict, les jurés de Dijon ont tourné la dernière page du roman noir de Grégory. Sans doute n'y aura-t-il pas de suite, car on voit mal maintenant quel élément nouveau pourrait relancer l'affaire. Du juge Lambert, infiniment petit, à Marguerite Duras, forcément indécente, il ne restera, Mathieu Aron, qu'un horrible sentiment de gâchis. 32 jours d'audience et le film du drame, de ses dérapages, de ses excès a défilé dans un fantastique accéléré. C'est le juge Lambert, le petit juge, qui porte si bien son surnom, nul, dépassé pendant l'enquête à la barre. Il a perdu la mémoire et il choque toute la cour d'assises en sortant son bulletin de notes alors que de chaque côté, on pleure un mort. C'est les policiers, ils se seront acharnés contre Christine durant des années. Un non-lieu est intervenu et pourtant le commissaire Corazi, inflexible comme inaccessible au doute, témoigne et s'appuie encore et toujours sur ses certitudes. Ce sont les journalistes emportés par la passion il y a 9 ans. Certains étaient témoins, comme ce reporter de Paris Match, rappelé 4 fois devant la cour, car paraît-il, il avait des révélations à faire. Et pourtant, il termine sa déposition dans un véritable délire verbal. Gâchis, triple gâchis, jusqu'à ce procès qui n'a atteint aucun de ses objectifs. La vérité n'est pas apparue, il n'y a pas eu de coup de théâtre, et le trait n'a pas été tiré, puisque des doutes ont ressurgi. Ce procès s'achève, et tout le monde a en tête cette remarque de l'avocat général. Le corbeau est toujours là, et il doit savourer sa victoire. On est à Haut-Monzé, c'est la fin du mois de septembre 2018, et j'y étais pas retourné depuis très longtemps. Évidemment, je me revois à l'époque, j'avais les cheveux plus longs, j'avais 26 ans, j'en ai 60 aujourd'hui. Haut-Monzé, c'est le lieu où habitent Marcel Jacob et Jacqueline, où habitent les grands-parents de Grégory, Albert et Monique, et où habite Michel Villemain, juste à côté. On vient de passer devant, on est près de l'église, et rien n'a bougé, c'est-à-dire que la végétation est à peu près la même, les maisons, même la couleur des maisons n'a pas trop changé en 30 ans. C'est comme si cette affaire défiait le temps, quoi. En fait, j'ai fait le calcul, il s'est passé 12 000 jours et 12 000 nuits pour qu'il y ait un nouveau rebondissement. C'est-à-dire qu'au printemps 2017, les premiers papiers sont sortis pour dire qu'il allait y avoir de nouvelles mises en examen, en particulier celles de Marcel Jacob et Jacqueline Jacob. Et eux sont aujourd'hui les principaux suspects, quoi, même s'ils ne sont pas mis en examen. Ils sont soupçonnés par les gendarmes de faire partie de l'équipe avec Bernard Laroche et Muriel Boll qui ont kidnappé et assassiné Grégory. Alors eux nient, les charges qui pèsent contre eux sont d'abord le fait d'une intelligence artificielle. Ça peut sembler bizarre. Les gendarmes ont nourri Anacrim, c'est le nom de l'intelligence, des milliers de procès-verbaux. Il y a 14 000 procès-verbaux dans la procédure. Et ils ont mis les emplois du temps de chacun des protagonistes, ils ont mis dans la machine les expertises en écriture, les expertises en voix, et surtout les déplacements de chacun. Et puis ils ont procédé par élimination, en disant « ça c'est pas possible, ça c'est pas possible », etc. Et ils sont arrivés à déterminer les profils des protagonistes du crime. La liste des suspects, ça tourne autour de 4 personnes. Thibaut Solano. La première personne à laquelle on pense, c'est forcément Bernard Laroche. Ensuite, on pense également au couple Jacob, qui était donc l'oncle et la tante de Jean-Marie Villemain, donc le grand-oncle et la grande-tante de Grégory. On pense à eux parce qu'ils habitaient à Haut-Monzé, comme sans doute le couple de Corbeau habitait, parce qu'ils nourrissaient une haine terrible contre les Villemain. Il y a eu d'ailleurs une scène d'altercation, hein. Après une sorte de poursuite en voiture, il y a eu une altercation où Marcel Jacob s'en est pris à Jean-Marie Villemain et l'a appelé le chef. Le corbeau appelait aussi Jean-Marie Villemain le chef. On pense à eux parce que Jacqueline Jacob a été confondue par une expertise en écriture pour 2 des 4 lettres envoyées par le corbeau. Reste une 4e personne. Il faut savoir qu'au moment où les Jacob ont été placé en garde à vue, les enquêteurs avaient également placé en garde à vue Ginette Villemain, puisque justement Ginette a plutôt été épargnée par le corbeau, qu'elle entretenait peut-être des liens privilégiés avec Bernard Laroche, on ne saura jamais vraiment, mais toujours est-il qu'il y avait suffisamment d'éléments pour qu'elle soit considérée comme une personne suspecte en juin 2017, au moment où elle a été interpellée. Pour moi, la liste s'arrête à ces personnes-là. Et au final, il n'y a pas d'autre hypothèse plausible, selon Anacrim et selon les gendarmes et selon aujourd'hui le parquet et les juges qui les avaient mis en examen, qu'un crime qui a été orchestré par quatre protagonistes, avec deux autres qui étaient Michel Villemain et Ginette Villemain, qui informaient peut-être inconsciemment de tas d'éléments sur la famille, quoi. Muriel Boll et Bernard Laroche qui kidnappent l'enfant, puis qui le remettent au couple Jacob, qui eux sont les suspects principaux pour l'assassinat, quoi. Ceci dit, ces gens-là nient, se débattent farouchement. Il n'y a pas de preuves tangibles. Il n'y aura jamais de preuves. Mais bon, ces éléments-là font que un procès est toujours possible, quoi. C'est pas parce qu'on a annulé toute la procédure aujourd'hui qu'il peut pas y avoir de nouvelles mises en examen et qu'à un moment donné, les magistrats de Dijon décident de dire bon, bah, ça mérite un procès d'assises, quoi. Autre rebondissement, Denis Robert, le suicide du juge Lambert. Alors j'étais en vacances début juillet à l'île de Léron, donc on, l'année dernière, et j'ai une alerte sur mon iPhone qui m'apprend que le juge Lambert s'est suicidé. Et là, j'ai eu un moment de sidération parce que j'étais depuis les rebondissements, j'étais quand même très attentif à tout ce qui se passait. Et Jean-Michel Lambert, je l'ai vraiment bien connu. Il m'est arrivé de déjeuner en tête-à-tête avec lui, d'avoir des conversations avec lui au moment de l'affaire, quoi. Et donc, il avait disparu des radars. Il était en train de vivre sa retraite. Et survient la nouvelle, quoi. Lambert s'est suicidé. Il s'est pas suicidé n'importe comment. Il a bu du whisky. Il a pris des cachets. Et il s'est entouré d'un sac plastique et de Chatterton autour du sac. Et il est mort étouffé. Et il a laissé des lettres expliquant les raisons de son suicide. 6 lettres. Et donc, l'une d'elles a été publiée dans la presse. Et je crois que c'est la lecture de cette lettre qui a déclenché mon envie de publier « J'ai tué le fils du chef », quoi. Parce que des éditeurs me demandaient d'écrire sur le sujet, j'ai toujours refusé, et je me suis tu. Depuis le procès de Jean-Marie Villemain, je n'ai plus jamais accepté d'en parler dans les médias, d'écrire, de dire quoi que ce soit sur le sujet. Et là, ce juge, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « Je me suicide parce que je vais à nouveau être l'objet d'une campagne de presse dégueulasse contre moi. Je me suicide parce que personne ne veut entendre ce que je dis. Et ce que je dis, en définitive, c'est que Christine Villemain est coupable. » Et puis j'ai vu que ces lettres étaient reprises dans les médias et que sur les réseaux sociaux, Facebook ou ailleurs, ressurgissait ce serpent de mer de la mer. Voilà. Et moi-même, si vous voulez, quand je me retrouve dans des dîners, dans des repas, ou quand je croise des gens qui apprennent que j'étais journaliste à Libération et que j'ai suivi l'affaire de la Vologne, au bout de ça, c'est vraiment systématique. En 30 ans, ça m'est toujours arrivé. Au bout de très peu de temps, on m'interroge là-dessus. Mais alors, cette Christine Villemain, comment elle est, et vous croyez quoi, vous, qui a tué, etc. Et donc, je me suis dit que le meilleur moyen de répondre à tout ça, c'était de restituer les articles de l'époque que j'avais écrits, une sorte de journal de l'affaire, quoi. Et donc, effectivement, quand on connaît comme je la connais cette affaire, je ne vais pas me cacher derrière mon petit doigt. À mes yeux, le crime n'est plus mystérieux. C'est-à-dire, je pense que les gendarmes, grâce à Anacrim, grâce aux recherches qu'ils font, ont aujourd'hui entre les mains un scénario qui est vraisemblable. En tout cas, il n'en existe pas d'autre de satisfaisant. Et je crois qu'on doit d'abord aux parents un procès pour ce qu'on leur a fait subir, en particulier à Christine Villemain. Mais il y a quelque chose de la mission de l'État et de la justice, c'est de faire ce procès. Et après que les protagonistes obtiennent un non-lieu ou un acquittement plutôt, pourquoi pas. Mais au moins, je pense qu'au-delà des parents aussi, on a rendez-vous avec ce fait divers, quoi, parce qu'il est pas ordinaire. Ça fait plus de 30 ans qu'on est nourri de ce mystère. Il y a eu des films, il y a eu des documentaires, il y a eu des milliers d'articles, il y a eu des livres. Donc que ça ne se solde pas par un procès, c'est comme un trou qui reste béant, quoi. J'ai tué le fils du chef. Affaire Grégory, le roman de la Vologne, d'après le livre de Denis Robert, paru chez Hugo Doc. Extrait lu par l'auteur. Avec Thibaut Solano, auteur de La Voix Rauque, aux arènes. Archivina tirée des journaux de France Inter, Antenne 2 et FR3, Anne Delaveau et Marine Decamp. LSD, attachée de production Marie-Vonne Abolivier, productrice coordinatrice Perrine Kervran. Un documentaire de Denis Robert et Yvon Croisier. Journaliste, juge, procureur, gendarme, avocat et accusé, LSD, la série documentaire s'est terminée pour cette semaine. Et si vous voulez connaître la vérité, bibliographie, lien, mais aussi nous podcaster avant le grand procès ou nous réécouter pour ne rien oublier, eh bien tout ça, c'est sur la page de l'émission sur le site de France Culture. Et les pages, justement, c'est grâce à Marie-Vonne Abolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous trouver sur la page Facebook de France Culture, nous suivre sur Twitter, LSD Série Doc, et même sur Instagram, LSD La Série Documentaire. Et toujours nous podcaster sur tout un tas d'autres plateformes. Et la semaine prochaine, eh bien, la semaine prochaine, on tentera de comprendre comment un État peut devenir tortionnaire. Mais demain, à la même heure, c'est Grand Reportage, et pour faire patienter vos oreilles jusqu'à lundi, il y a les rendez-vous documentaires du week-end, une histoire particulière et une vie, une œuvre.